Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lemp. Chanteuse de minuit. À partir de 1949, s'ouvre de la place Saint-Michel jusqu'en haut de la Contrescarpe des cabarets dits de la rive gauche. La Colombe, le Port du Salut, l'Échelle de Jacob, les Assassins, le Cheval d'Or, la Vieille Grille, la Galerie 55. L'Écluse, située au 15 quai des Grands Augustins, va se révéler une pépinière d'artistes, poètes, auteurs-compositeurs, interprètes, humoristes, duettistes, mimes, conteurs. Léo Noël, Marc Chevalier, André Schlesser et Brigitte Sabourot en sont les directeurs-chanteurs. Place Saint-Michel, le café de la Boule d'Or est le quartier général de cette faune joyeuse, révoltée, anarchisante. Tous les mercredis du mois, la direction de l'Écluse auditionne. En 1954, vous êtes engagé pour 8 jours. Après un nouveau passage à Bruxelles, retour à Paris. Quelques très modestes engagements jusqu'en 1956, dont un à la Rose Rouge, déjà sur le déclin. En janvier 1958, vous retournez à l'Écluse. Un engagement renouvelé de mois en mois, puis d'année en année, pendant 6 ans. Les Flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. 6 années pendant lesquelles je vais pratiquement croiser tous les futurs grands du métier. J'entends pour la première fois Gianni Esposito chanter le clown. Jacques Dufilho et Jacques Fabry dans un numéro de surréaliste. Apparaît Bip, le personnage du mime Marceau. Et puis Monique Tarbès, Henri Garcin et Romain Bouteille. Qui vont créer l'échappée belle. Jean-Roger Cosimo. Bernard Allaire. Alex Métayer. Raymond Devos. Serge Sauvion. Pierre Vanek. Pierre Richard et Victor Lanoux. Oh, je les entends, je les revois. Je les aime comme avant. Ah, les merveilles. Les joyeux compagnons d'un séjour enrichissant, coloré. Ah, les belles nuits, les beaux dîners. On parle haut et fort, le discours est à la fois tendre et immodeste, on se sent artiste, à part, en marge. Je les ai tous écoutés, chaque soir, depuis la minuscule loge où j'attendais mon tour, dès 21h30, assise sur un petit bout de banc duquel je ne bougeais pratiquement plus, couvant ma peur jusqu'à l'heure d'entrer en scène. On m'aurait découpé en morceaux plutôt que de me faire bouger de cette place. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur, Vladi Pokerlioub sa servante, et qu'il n'a plus qu'en amateur. Il murmure, dites donc ma fille, entre nous êtes fort gentille, et votre personne crée nom d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah, oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durant de plus en plus en bas, la petite bonne, il fait la cour, pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flattée. Dans ta chambre, je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah, oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, durant s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, Je n'ai jamais vu de si beau. Monsieur, répond la petite vanne. Est-ce que vous me dites, n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette, mais qu'il n'est pas vilain garçon. Elle fut pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure. Puis il s'écria, je t'assure, je trouve exquise, c'est merveilleux. Et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Oh, monsieur, répond la petite bonne, est-ce que vous me dites, n'a rien qui m'étonne. Le public de l'Écluse est composé d'étudiants, d'écrivains, d'amoureux de la poésie et de la chanson, de danseurs, de comédiens. Les hommes politiques y viennent aussi. On y voit même un futur chef d'État. Je commence par ouvrir le spectacle, et puis peu à peu, je deviens la vedette de l'Écluse. J'adore chanter les gens que j'aime, qui disent les choses que je ressens. Dans mon répertoire, je chante Brel et Brassens, mais aussi Fraxon, Paul Marigné, Léo Ferré, Francis Blanche. André Schlesser m'écrit un très beau texte, Souvenance. Quand les ans t'auront courbé, tes amis abandonnés, que les serments, les chimères t'auront seuls ainsi laissés. Souviens-toi du temps passé, de nos 20 ans, de ma prière. Viens quand la lune éclaire toutes les primevères si lourdes de rosée. De toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Quand reviennent les saisons, les lilas et les moissons, dans ta solitude blême, souviens-toi de nos beaux jours, nos jeux, nos ris, nos amours. On ne dit qu'une fois je t'aime. Viens quand la lune éclaire toutes les primevères si lourdes de rosée. De toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Où es-tu en ce moment, partageant le même tourment d'une vie par nous gâchée? Riche et laide suis devenue, et toi-même n'as pas voulu tant de larmes épanchées. Dis-moi que tu as songé en ce monde désolé au souvenir d'une image. Caillou blanc et caillou noir, oh dis-moi qu'un fol espoir te fit chercher mon visage. Viens quand la lune éclaire toutes les primevères si lourdes de rosée. De toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Ma chanson n'a pas de fin si tu ne me tends pas la main du plus profond de la terre. Mon amour cherchant le tien, ton pardon trouvant le mien, entendront cette prière. Reviens, la lune éclaire toutes les primevères si lourdes de rosée. De toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Contrairement à ce qui peut paraître et à ce qu'on a souvent dit, il est plus difficile de chanter dans une petite salle que dans une grande. À l'Écluse, la porte ouvre sur le quai bruyant. On place le public en cours de spectacle. Les spectateurs, assis tout près de nous, sous le piano, n'imaginent pas que même un murmure peut devenir un vacarme lorsqu'on chante sans micro et qui plus est dans la fumée. Mais pour moi, ça n'a jamais été vraiment difficile. Je ne sais pas qu'il existe autre chose et je suis bien. Il y a toujours eu cette ferveur, que ce soit pour 60 personnes ou pour 1000. En mars 1958, Pierre Yégel, alors directeur artistique chez Pathé Marconi, vient vous écouter et vous fait enregistrer votre premier disque en France. Comme à l'Écluse, vous rentriez en scène tous les soirs à minuit, ce disque s'appelle « La chanteuse de minuit ». Vous avez 28 ans. En 1959... vous enregistrez un nouveau 45 tours avec la chanson Les boutons dorés de Maurice Vidalin et Jacques Datin, créée par Jean-Jacques Debout. On ne peut pas vraiment parler de succès. Michel Glotz, directeur de la firme, vous apprend un jour que vous n'avez vendu que 4 disques. Évoquant avec humour le succès de Tino Rossi, il vous demande de quitter un peu votre piano pour orchestrer davantage vos chansons. Ce sera non. Il essaie de vous convaincre d'infléchir votre comportement, d'obéir tant soit peu aux lois de la promotion. Ce sera non, non et non. Il vous fera néanmoins encore confiance pour le disque suivant, Barbara à l'Écluse. la médaille de la bonne conduite. J'aime pas manger la soupe gratuite, moi j'aime mieux dormir dans les prés. J'aurai pas mon certificat, paraît que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'écris « Je t'aime » sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit, je m'invente un vrai roman, que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman en robe claire et un papa qui a plein d'argent. Oh, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils reviennent tout de suite avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme, de rester toujours le pauvre môme à qui personne tendrait la main. Et malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête, et pour peu que j'aie des allumettes, je foutrais la feu à l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés. Oui, monsieur, à boutons dorés. Fin 1959, vous rentrez à Vitruve, auprès de votre mère et de votre petit frère Claude, qui a maintenant 17 ans. Un âge heureux commence. Je suis près de ma mère. Je chante sur une scène, j'ai 29 ans. J'avance. Je prends un piano noir en location-vente. Ce qui revient à dire qu'au bout d'un certain temps, il m'appartiendra. Un piano à moi. Je vous appartiendrai en effet. Je vous suivrai même d'appartement en appartement. Je suis toujours là aujourd'hui, apprécie. Le lundi 21 décembre 1959, je suis seule dans l'appartement. Le jour glisse, je vais bien. Soudain, la sonnerie du téléphone déchire le silence. Ce qui se passe ensuite deviendra quelques années plus tard l'une des plus célèbres de vos chansons. Votre père a eu un accident. Il se trouve à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. Il vous réclame. Je reste silencieuse. La voix s'est tue. Je reste avec le téléphone dans la main, stupide. Je raccroche. Mon père, parti il y a 10 ans, jamais réapparu, jamais de nouvelles, qui m'appelle. Comme une somnambule, je demande l'hôpital. Les urgences, la chirurgie, les accidentés. Personne ne semble correspondre à celui que vous cherchez. Je reste là, sans voir, sans penser. Puis brusquement, je redécroche, redemande l'hôpital. On vous passe la morgue. Un siècle encore. Une douleur brûlante glisse dans mes reins. Une voix vous demande si vous êtes sa fille. L'hôpital a recherché la famille, sans résultat. Votre père est mort il y a 48 heures. Je vais jusqu'à la lumière. Mes gestes sont lents. Précis, pesant. J'enfile un manteau, prends mon sac, griffonne un mot à l'intention de ma mère, je prends un taxi et file à la gare. Je grimpe dans un train pour Nantes. Nantes. Il pleut. Un taxi me conduit à l'hôpital. Devant ses portes, la même douleur me cloue sur place. À la réception, j'entends ma propre voix, grise et coupante comme un fil d'acier. La réponse est douce, presque suave. On vous conduit chambre C. Une musique, dont la mélodie ne me reviendra en mémoire que beaucoup plus tard, m'accompagne. La porte s'ouvre sur une pièce minuscule. Il est allongé sur le lit, le visage découvert, comme s'il dormait. je regarde mon père que je n'ai pas revu depuis 10 ans. Son visage est amaigri, vieilli, son teint cireux. Je m'avance et pose ma main sur cette peau sans vie. Et puis me revoilà dans le couloir. On me conduit dans un tout petit bureau. Une vieille dame à lunettes me sort un catalogue rempli de cercueils joliment présentés. Je choisis le moins cher. La vieille dame lorgne mon sac, mes mains, le bracelet d'argent à mon poignet. Elle soupire, réprobatrice, parle un peu de Dieu, et puis se fait une raison. À l'hôpital, une sœur vous donne l'adresse de M. Paul, un ami de votre père présent jusqu'à la fin. Un taxi me conduit à l'adresse donnée par sœur Jeanne. C'est un café au coin d'une rue. 4 hommes jouent aux cartes. Longtemps, ils me parlent d'un homme extraordinaire dont ils ne savent rien. Sinon qu'il avait été rejeté par sa famille, qu'il avait eu 4 enfants, qu'il aimait, une fille surtout, qui chantait. Parfois, il dormait dehors. Mais il réapparaissait au matin, impeccable, pour entamer d'interminables parties de poker. Gai, généreux, gueulard, il ne croyait en rien, n'espérait plus rien. Monsieur Paul raconte. J'écoute, bouleversé, la vie de cet homme que je n'ai pas connu et dont je retrouve pourtant des traits de caractère. Je m'en veux d'être arrivé trop tard. J'oublie tout le mal qu'il m'a fait. Et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille, je m'en suis sortie puisque je chante. » La musique revient dans ma tête. L'enterrement est prévu pour le lendemain 8 heures. Vous repartez à Paris pour aller chercher l'argent nécessaire. À Vitruve, vous croisez Claude qui a appris la mort de son père et veut venir avec vous à Nantes. Vous hésitez, il insiste. Vous repartez ensemble. À Nantes, il pleut sur tout le ciel. Dans le cimetière, nous marchons tous deux, épaule contre épaule. Une femme sanglote. Elle me parle en s'accrochant à mon bras. Qui sont ces quelques hommes étranges? Des joueurs de poker? Dans la boue, je perds mes souliers. Je sais pas trop comment. On enterre mon père dans la fosse commune. Il n'y a pas de fleurs. Nous rentrons à Paris, mon frère et moi. Tout au long du retour, je palpe au fond de ma poche les lunettes d'écaille de mon père, pauvre héritage auquel je m'accroche comme à la chaleur d'une main. Dès le lendemain, je reprends mon tour de chant à l'écluse, où je somnambulise durant un certain temps. Nous sommes le 28 décembre 1959. Il pleut sur Nantes. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur jeune. De la chanson Nantes, je n'ai encore écrit et composé la mélodie que des 4 premières phrases. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Il s'écoulera plusieurs années avant que vous ne retouchiez et repreniez cette chanson en 1963, la veille de votre passage au Mardi de la chanson au Théâtre des Capucines. M'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. L'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu.